Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقيل لبعضهم بما يعرف الله فقال من نظر في مواد الرزق أي أسباب الرزق وتأمل حالات من لهم موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يأملون. On est toujours dans le fasl al-muhim de cette risala, avec ces témoignages de ces personnes qui racontent comment, ou c'est quoi qui les a poussés à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, et certains barahin aqliya. فهذا قال من نظر في مواد الرزق, et par rapport au risque, Allah subhanahu wa ta'ala il donne à un tel et il donne moins à un autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup à hada. Et malgré cela, comme a dit le sheikh, il a rapporté la parole de hada al-insan, فَذَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ وَرَكِبَتْهُمُ الدُّيُونَ. Certains, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne beaucoup. وَمَعَ هَذَا il n'y a aucune baraka. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met pas de baraka dans leur bien, dans leur argent. C'est pour ça que tu trouves, ils ont beaucoup, lakin ils ont beaucoup de dépenses. Bel ba'dahum, ils sont riches. Et malgré cela, ils s'endettent très très vite. Et ils perdent tout. Pourtant, ils ont. فَمَنْ جَعَلَ أَنَّ هَذَا الْغَنِي qui, à la base, a de l'argent et dans cet argent, il n'y a aucun profit, aucune bénédiction, aucune baraka. قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أُنَاسْ كَثِيرِينَ et en opposition, أَنَّ d'autres, ils n'ont pas beaucoup. لَيْسَ لَهُمْ عَقَارَاتٍ وَلَا غَلَّاتٍ وَلَا مَوْجُودَاتٍ وَإِنَّمَا يُسِّرَتْ لَهُمْ أَسْبَابٌ بَسِيطَةٌ لا بسيطة لا تخطر على بال أحد أن تكفيهم ولكن الله بارك فيها وبسط لهم الرزق فكانوا أبسط قلوبا وأريح نفوسا وأرغد عيشا من الأولين. في المقابل أي par rapport au premier cas, d'autres ils n'ont pas beaucoup à la base. كما قال هنا, tu te demandes أحيانا comment il va faire pour vivre avec cela tellement qu'il a peu. Et مع هذا الله سبحانه وتعالى يبارك له. الله سبحانه وتعالى il met de la baraka dans le peu que cet homme ou cette femme a, et alhamdulillah. Bel, tu trouves haoulé, un homme, ils sont absat qulouban, wa arriyah nufousan, wa arghada aishan. Ils sont plus heureux. Ils sont plus satisfaits. Ils sont tranquilles, wallah, alhamdulillah. Ils vivent avec les moyens qu'ils ont, et tu les trouves, ils ont une vie heureuse. Contrairement à certains riches, qui ont beaucoup, lakin ils sont fi dhaiq, fi dhank. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse. Ils ont des comptes à rendre, ils ont beaucoup de responsabilités. Ba'dhum, ils ont beaucoup d'argent, mais tellement qu'ils travaillent beaucoup, ils ne peuvent pas en profiter. Hatta un jour, Malak al-Maut, ils récupèrent leur âme, et tout cet argent, ils la laissent, et un autre, il en profite à la place du premier. Ils ont perdu leur dunya en mourant, et la délaisseront. Chacun de nous, il délaissera ce qu'il possède, et ils n'ont rien préparé pour l'au-delà. Amma ha'oula. Le peu qu'ils ont, ça leur suffit, c'est qu'une étape, ce bas monde, et ils préparent l'au-delà. Là, c'est un signe pour celui qui réfléchit. فَلِهَذَا قَالُ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ قَامُوا بِالْأَسْبَابِ مُتَوَكِّلِينَ عَلَى اللَّهِ أَوْ مُتَوَكِّلِينَ عَلَى مُسَبِّبِهَا أي Allah. Pourquoi, هؤلاء, le peu qu'ils ont, ça leur suffit? Et pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, baraka lahum, il leur a mis de la baraka dans leur amwal, dans leur bien? لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ تَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ. Ils savent très bien que c'est Allah qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend. C'est Allah qui enrichit. Azza wa jal. Et كذلك, bien sûr, ce qui aide هنا, c'est de se satisfaire du peu al-qana'a. Et de ne pas penser qu'à dunya. Ibn Adam, il est attiré par l'argent. Enfin, s'il ne se maîtrise pas et s'il oublie les objectifs, et l'objectif principal, c'est de se préparer pour l'au-delà, ربما il perd tout. Il perd tout à cause de ce bas monde. قال فقلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راجية منه تسهيل الرزق. C'est cette aqida qu'on doit avoir. On doit faire les causes, bien sûr. لكن التوكل c'est على الله. Et c'est Allah سبحانه وتعالى qui facilite. Donc on ne doit pas exagérer dans les causes. Faire que ça et oublier notre dîn. كذلك on ne doit pas délaisser les causes au nom de notre dîn. أبدا لو جوست ميليو. قال والأولون بالعكس قلوبهم متعلقة بأملاكهم وموجوداتهم، فبذلك يعرف الله ويعرف أن الأمر كله له. أما لو بروميي كا ils ont pensé que ce qui les enrichit c'est ce qu'ils ont. Et non plus ils font plus ils auront. Ça c'est une grave erreur. Et هذا c'est un signe. C'est un signe كما قال فبذلك يعرف الله. ثم قال لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارا تجد رزقهم مقطرا وأسبابهم مخفقة، ونجد كثيرا من الضعفاء البلداء الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند الأولين، والله قد بسط لهم الرزق. Tu trouves, c'est dans ce point le signe où qu'on doit réfléchir. Et celui qui réfléchit, même s'il ne croit pas, ça peut le pousser à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Annahaoula, ils ont fait le premier cas, la première catégorie, beaucoup de causes. Travailler nuit et jour. Et ils pensent qu'à ça. C'est devenu leur objectif principal. Et tu trouves, à la fin, peut-être qu'ils ont rien, ils s'endettent. Tu trouves d'autres. Annahaoula, leur objectif principal, c'est de dire. Annahaoula, ils font certaines causes, lakin, ils espèrent d'Allah. Ils savent très bien que c'est Allah qui gère tout. Ils ont et ils vivent mieux qu'un riche. Qui c'est qui a facilité au deuxième cas d'avoir cette tranquillité dans le cœur et d'être satisfait? Et Allah subhanahu wa ta'ala, yubarik lahum, rubbama, ils ont meilleure santé que le premier cas. C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa va, et huna est la différence. Ça serait que matériel, comme ils pensent les athées. Enfin, plus l'insan fait des efforts dans Dunia, plus il a de l'argent, il serait meilleur que celui qui n'a pas. Il serait plus tranquille. Les malalénaoum, eux, ils pensent qu'à le mettre d'accord matériel. Ils ne croient plus au créateur, en l'au-delà. Ça montre que c'est totalement faux. Les malalénaoum, le créateur, Allah Azzawajal, c'est lui qui guide les cœurs. Et c'est lui qui met de la baraka, de la bénédiction dans les biens. C'est pas que le nombre. Là, le nombre, c'est une chose. La baraka, c'est une autre chose. قال ويسر لهم أمرهم وهذا كله مشاهد يضطر العاقل أن يشهد لله بالتصرف المطلق وأن الأمر كله لله عز وجل. نعم. Pour celui qui réfléchit. وهذا كله مشاهد et يضطر العاقل. Pour celui qui raisonne. Ama celui qui pense qu'au matériel, ربما il n'arrive pas à comprendre ce signe. فلهذا بعض الكفار يقولون هذا. Ils n'arrivent pas à comprendre toutes ces années de travail là. Et à la fin, ils ont rien. Ils sont endettés. Ils n'arrivent pas à réussir. Bardahom, ça les pousse à mettre fin à leur jour. Les malades, les anahom, ils n'arrivent pas à comprendre tous ces sacrifices. Et à la fin, il est pas heureux. Malgré qu'il est riche, et ça arrive beaucoup hada, auprès des célébrités. Il a les anahom, ils mettent fin à leur jour. Les malades, les anahom, ils n'arrivent plus à comprendre. Hatta bardahom, yata'ajjab, comment un tel, il a rien, il arrive à être souriant. Il arrive à vivre. Comment il arrive à vivre et il ne possède pas grand-chose? Et voilà, les Anahoum, ils ont oublié. Celui qui guide, celui qui facilite, c'est le Créateur. Azza wa Jal. ثم قال وقيل لآخر بما يعرف الله فقال بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب. وهذا تقدم معنا كثيرا. قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il élève, il rabaisse, il guide, il égare. Vous voyez autour de vous, chacun de nous voit des changements. مثلا, la situation de certaines personnes aujourd'hui, ce n'était pas la même il y a 1 an, 10 ans, 20 ans. هذا, ça montre quoi? Ça montre que le créateur, Allah azza wa jal, c'est lui qui gère. Enfin, celui qui réfléchit vers هذا. Un tel, il n'avait rien. Et comme a dit le shir, bi asbab ou bi ghayri asbab. Ça peut être avec des causes et des fois c'est sans cause. Ils n'ont pas fait de cause ou énormément de cause. Du jour au lendemain, ils ont beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur facilite. Il leur facilite une chose que eux-mêmes, ils n'y pensaient même pas. Et ça devient des personnes riches. Prends l'exemple dans la bonne santé. Du jour au lendemain, tu trouves un malade, bi idhnillah azza wa jalla, il est guéri. Même les docteurs, les médecins, ils ne comprennent pas pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut de ses créatures. Hakada la maladie. Tu te revois dans le nas, ils sont en bonne santé, du jour au lendemain, ils tombent malades. Même si tu demandes au médecin la cause, il ne peut pas répondre. Ils ne savent pas d'où c'est venu. Mouhim, il a cette maladie. Bah, là, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. On a ces choses qui changent de situation. Elles ne changent pas de situation seules. On le répète, on n'accepterait pas là, avec le plus petit objet qu'on possède. Ce téléphone ou ce stylo. Ou autre, on n'accepterait pas que... Il sort de la maison, il rentre de la maison seul. Il rentre dans l'usine, il sort de l'usine seul. Personne n'accepterait Allah. Enfin, le fait de méditer sur ces situations qui changent jour après jour, semaine après semaine, année après année, Allah, je sais que c'est un énorme signe. « Wa qila li akhar bi ay shay yu'rafu Allah fa qala bi mushahadati misdaq qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha » فتنظر مصداقها شاملا للخليقة وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتاج. وهذا on l'a déjà vu et on l'a كذلك redétaillé dans notre kalima, les paroles qu'on a lues de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, أن الله سبحانه وتعالى il a créé beaucoup de créatures. لهذا قال عز وجل وما من دابة في الأرض. الدابة هنا c'est tout ce qui marche sur terre. Si on prend l'exemple des êtres humains, des animaux et des poissons, enfin, comme les oiseaux, comme on a cité dans notre kalima, enfin, kullu wahid Allah subhanahu wa ta'ala qaddara lahu son risque. Tout le monde mange, tout le monde boit. Walillahi alhamd. Qala hadha bi tijaratihi wa hadha bi sina'atihi wa hadha bi hirathatihi. Thumma, chacun selon certaines causes que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a créé, il a qaddar. Certains c'est avec le commerce, d'autres c'est sina'a, مثلاً c'est un couturier ou autre, il fabrique des choses. Wa hada bi hirathati. Na'am, certains c'est le domaine de l'agriculture. Wa hada bi ilmihi wa khidmatihi. Wa hada bi mukhallafat min qabla. D'autres c'est مثلاً un héritage qu'ils ont reçu. Andur. Allah subhanahu wa ta'ala, il qaddar que tel être humain, il va vivre avec l'héritage de ses parents. Ou de foulan parmi ses ancêtres. Wa hadha bi tanmiyati al-mawashi, wa hadha bi ihsan ghayri alay. D'autres, c'est y vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il qaddar qu'une personne tuhsin ilay. Matalan, certains orphelins. Ils n'ont rien, monsieur, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas les capacités, ils sont seuls. Allah subhanahu wa ta'ala, il qaddar que un homme ou une femme, il s'occupe de cet orphelin. Et il arrive à vivre, walillahi alhamd. Qala, bisu'alin wa ghayri su'al, wa hadha bi kad ghayrihi alayhi, ila ghayri dhalik min al-asbab al-ma'rufa allati qaddaraha al-aziz al-hakim rizqan lil'ibad. Fasubhana man wasala rizquhu ila asghari al-dharrat, wa mahamihi al-barari, wa qu'ur al-buhur, wa al-zulumat. Ta'ammal hadha. Les poissons, au fin fond de l'océan, poissons et autres créatures parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun il a son risque. T'amel tous ces oiseaux là. Lève la tête et tous ces oiseaux. Tu as déjà vu Hakada dans la rue, des oiseaux qui tombent, les mains les anneaux, ils n'ont pas mangé, ou ils n'ont pas bu. Ou Hakada dans la rue, tu vois des cadavres d'animaux partout, anneaux, ils n'arrivent pas à manger, ou des êtres humains. Ça arrive. Ça arrive, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Certains animaux, ils meurent de faim à cause d'une cause que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété. Il y a une énorme sagesse, hakada. Certains êtres humains, ils meurent de faim, ça arrive. Là, qui n'en parle un, fil ghalib, en général. Il a fait des exceptions qui sortent de la règle. Ça ne contredit pas la règle. Abadan. Hada ma'rouf. Donc, hada, c'est un signe. Qui sait qui a créé awwalan ces créatures et qui sait qui leur donne? Ah, celui qui réfléchit, voilà, chacun, il va s'apercevoir très vite que ces créatures, elles ont un créateur. Qala wa qila li wa'dihim. Et taqaddam ma'ana dans la kalima qu'on a fait d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Fil-haqiqa, la kalima qu'on a fait, ça explique ces points qu'on cite aujourd'hui, ou certains points. Certains vont dire, c'est la nature, il a akhri. Voilà, wallahi alhamd. Taqaddam ma'ana rad min kalam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Wa qila li wa'dihim bima yu'rafu Allah. Faqala, إن لمعرفة الله أبوابا وطرقا كثيرة جدا ومن جملتها ما هدى الله له العباد في هذه الأوقات من المخترعات الكثيرة وأعمال الكهرباء وإيصال الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة وأمكنة متباعدة. كذلك هذا سنسن كي سيكي أبخي أسيت تخيما de fabriquer toutes ces choses. من علم الإنسان ما لم يعلم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cet être humain, surtout à notre époque, la science elle a atteint un haut niveau, la technologie كذلك, les recherches en médecine et autres. هذه العلوم العظيمة النافعة. Qui c'est qui a facilité cet être humain? قال كذلك الكهرباء. Cheikh Saadi a cité ces exemples à son époque. C'était encore assez nouveau l'électricité. وإيصال الأصوات مثلا les micros. À l'époque c'était très compliqué. Nous on n'imagine pas cette ni'ma, un micro. مثلا نحن الآن on parle, on est celui qui parle il est dans tel pays et ceux qui écoutent كل واحد ربما on est de plusieurs pays différents. فمن يسر هذا. À l'époque c'était pas possible. Pour écouter le ilm t'étais obligé de te déplacer. تأملوا. À l'époque il n'y avait pas de micro. في خطبة الجمعة الخطيب était obligé d'élever la voix. بل في مجالس المحدثين tellement qu'ils étaient nombreux, ceux qui étaient devant le cheikh, ils écoutaient le hadith et ils le disaient à ceux qui étaient derrière. وهكذا tout le monde se le rapportait pour que toute l'assise elle l'écoute. À notre époque والله الحمد الآن il y a les micros. Le mutakallim il parle normalement, tu n'as même pas besoin de élever la voix et tout le monde entend. فمن يسر هذا؟ كيسك يا فاسيليتي هذا؟ قال وهو الذي علم الإنسان وهو الذي أقدره على ذلك وهو الذي خلق له المواد والمعادن التي تستخرج بها هذه الأشياء وهداه إلى تأليفها. هذا سان رد على الملاحدة ce qui prétend mais c'est l'être humain qui fait. L'être humain il a réfléchi, il a fait des efforts. كما قال الشيخ. Il ne faut pas oublier que cet être humain, ces choses qu'il a fabriquées, c'est des choses qu'il a déformées, qu'il a assemblées. Faqat. Wa illa va, le créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sans eau, il n'y aurait pas d'électricité. Sans tout ce qui est hydrocarbures, le pétrole, le gaz, etc., toutes ces énergies, ça serait impossible. Donc l'être humain n'aurait rien pu faire. Sans eau, sans pétrole, sans gaz, l'être humain ne peut rien faire. Mais sans oxygène, l'être humain ne peut rien faire. Donc, هذه المعادن, toutes ces matières premières, que ça soit l'or, que ça soit l'eau, que ça soit le gaz, le pétrole, tout ce que les êtres humains ils ont fait sortir de la terre, c'est min khalqillah azza wa jalla. Eux font que des recherches pour modifier, pour assembler. Donc tout ça c'est min Allah azza wa jalla. قال ومعلوم أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. صحيح. Cet être humain que Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir du ventre de sa mère, وهو لا يعلم شيئا, تأمل le niveau qu'il a atteint. Anna, il arrive à construire, il arrive à planifier des choses, à assembler. Tout ça, al-haqiqa, c'est des choses surprenantes. Lakin, al-muwaffaq, c'est celui qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa, tout ce que cet être humain a créé, ça disparaîtra. Comme قال عز وجل, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ça, c'est une fitna pour l'ibad. Al-Sheikh, il n'a pas cité هذا pour donner de l'importance à ces choses éphémères. Malgré que certaines choses, elles ont de l'importance. Si c'est utilisé pour notre dîn. Lakin, le Sheikh, il montre faqat, il a cité faqat هذا pour faire réfléchir cet athée, ce kafir, أنه ces choses dont il profite nuit et jour, et ce niveau que la science a atteint, tout ça, c'est bi-idnillah azza wa jalla. Mais qui c'est qui a facilité à cet être humain à partir d'un liquide de devenir un être humain? Thomas, ce petit qui ne comprenait rien, qui ne savait même pas parler, ne savait pas marcher, qui c'est qui lui a facilité? Qui c'est qui lui a facilité sa nourriture? Si cet être humain, il réfléchirait, faqat sur sa nourriture, qui c'est qui lui a facilité cette nourriture dans le ventre de sa mère? Annahu, il est dans le ventre de sa mère? Ta'ammalu hadha, anna sa mère. Min hikmatillahi azza wa jalla, anna la période de grossesse, la mère, elle n'a plus ses règles, elle n'a plus de menstrues. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à cette mère, anna ce sang qui ne sort plus, ça devient tardia pour l'enfant, ça devient la nutrition de cet enfant. Donc, cet enfant, quand il sort, et sa mère, elle l'allait. Et men akhraja hadha al-laban, ce lait qui sort du sein de la femme, men akhraja pour cet enfant. Si l'être humain réfléchirait que sur cela, il comprendrait très très vite qu'il ne peut rien faire seul. Lakin ba'd al-kuffar al-an yatakabbarun. ils prétendent que c'est eux qui ont fait telle chose et il a akhir. Et lakin, hada la yanfa. On répète, c'est une fitna. C'est une fitna et tout le monde sera jugé. Yawm al-qiyama, toutes ces choses, ça n'existera plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscitera le jami' hufatan, uratan, ghurla. Tout le monde sera nu, pieds nus, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, wa kanat hadhihi min jumlati minanillahi alayh. فخالق السبب هو خالق المسبب تبارك وتعالى. Tout ça c'est min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé cet être humain, c'est lui qui a créé l'eau, tout ce qui est comme taqaddam, hydrocarbures, gaz, or, fer, le feu, il a créé pour cet être humain et l'être humain il en profite. Wa illa va khaliq as-sabab, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ses causes et qui a créé celui qui fait les causes, l'être humain. قال فهذا أكبر برهان على كمال قدرة الله الذي أقدر العبد الضعيف على هذا هذه الأمور التي تعد سابقا من الأمور المحالة الممتنعة. Qui c'est qui a facilité à cet être humain de faire ces choses? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses qui à l'époque c'était, ça faisait partie de l'impossible. مثلا, il y a quelques années, quelques siècles, c'était impossible d'espérer voyager dans les airs. C'était pas possible pour eux. C'était que les oiseaux. Mais l'être humain, il se déplaçait. Il m'a sur terre, il m'a parlé la mer et les océans. Qui c'est qui a facilité à cet être humain de fabriquer ses avions? Un, tu te déplaces du bout de l'extrême est à l'extrême ouest en quelques heures. À l'époque, c'était impossible. À l'époque, il fallait des mois et des mois de marche en bateau par les océans ou sur des montures pour se déplacer. Qui c'est qui a facilité à cet être humain? Enfin, à leur époque, c'était impossible. À notre époque, c'est devenu possible. Qui c'est qui a changé cette situation et qui a facilité à cet être humain? C'est Allah Azza wa Jal. Il a fait cet être humain, il est exactement comme l'être humain de l'époque. Les êtres humains d'aujourd'hui ne sont pas plus intelligents que ceux de l'époque. Abadan. Dans beaucoup de domaines, ceux de l'époque, ils étaient beaucoup plus intelligents que ceux d'aujourd'hui. Là, qui c'est qui a facilité? C'est le même être humain. Lakin, c'est Allah Azza wa Jal qui a voulu et qui a décrété qu'à cette époque, cet être humain pourra faire telle chose. Et on répète, c'est une fitna, c'est une épreuve. قلت وهذه الأجوبة. On a fini tous ces exemples que Cheikh Saadi a cité, tous ces témoignages. فبعد ذلك قال وقلت هذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة. تضطر العقول إلى الاعتراف بربها ووحدانيته ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة. نعم, il a cité certains exemples, juz'iyat. Et tout ça, c'est authentique, bien sûr. La raison, elle prouve que le Créateur, il existe. Et il aurait pu citer, bien sûr, beaucoup d'autres exemples ou témoignages. قال فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وتركيبها المحكم وترتيبها وما ينتج عن ذلك من مصالح العالم والمخلوقات علمت أن لهذا العالم ربا عظيما. هذا سي من حيث العموم. زي غمركي كو يبابا وين ريفليكسيون جلوبال جينيرال كوم سيت ريفليكسيون انا توت سي كراتور تو سو سيستيم لو سيستيم سولير تو سكي لي او زانيمو aux êtres humains et toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, la chèque que ça prouve qu'il y a un créateur. Hada c'est al-kulliyat. Al-juz'iyat c'est les exemples à part qu'on vient de terminer. Walillahi alhamd. Qala rabban aziman wa malikan kabiran wa qadiran muqtadira قد خضعت له الأكوان ودانت له الخليقة وأخذ بنواصي العباد وعلمت أن كل ما في السماوات والأرض عبيد ومماليك لربهم ليس لهم من الأمر شيء. نعم, هذه سين كونكلوزيون طيبة. أن توسك الله سبحانه وتعالى أكخي فسيدي سيرفيتور الله سبحانه وتعالى يدواف سسومتر يدواف سسومتر. الله سبحانه وتعالى إلى كخي les êtres humains et les djinns que pour cela, que pour qu'ils se soumettent et qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'être humain, il ne possède rien, il ne peut rien faire que si Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Prends l'exemple de la mort, et ça c'est un burhan azim que Shiri il n'a pas cité huna, et qu'on peut ajouter la mort. Est-ce que quelqu'un peut échapper à cette mort? Abadan. Est-ce que quelqu'un a déjà échappé à la mort? Abadan. Abada, tout le monde meurt. Maintenant, à notre époque, en ce moment où on parle, dans 100 ans, un peu moins, un peu plus, il n'y aura plus personne de ceux qui sont présents. Ça sera une autre génération. Est-ce que quelqu'un pourra retarder ? Abada. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort, elle vous touchera. قال عز وجل. Même si on قدر واحد, il arrive à s'enfuir dans une étoile. Il arrive à se sauver dans la lune ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que l'ange de la mort, il récupérera l'âme de chacun. هذا c'est un dalil azim. C'est un burhan azim. On ne fait pas ce qu'on veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une volonté et une certaine capacité de se déplacer fi hadhihi al-ard. Et ça s'arrêtera un jour. قال ثم اذا نظرت الى كل مخلوق على حدته وتاملت ما اشتمل عليه من الخلق العجيب والحكم الباهره ثم نظرت على الوجه على وجه الخصوص الى نفسك وصفاتك. هذا c'est l'exemple qu'on a lu de min kalam al-imam ibn al-qayyim rahimahu Allah. Le fait de méditer sur les créatures, que ce soit les animaux, les cieux, la terre, le soleil, la lune, la nuit, le jour, autant neuf toi-même. Et on a cité beaucoup d'exemples pour l'Ilahi al-Hamd dans la muhadara qu'on a fait dimanche. قال وما أودع فيها من الخلق العجيب والحكم الباهرة. Notre nefs, comme تقدم معنا, c'est un des signes les plus simples. لماذا؟ لأنه c'est toi, ton corps, et c'est un des signes les plus clairs de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité. عزّ وجل. قال عرفت أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لكل شيء الحكيم في كل شيء. قال تعالى وفي الأرض آية للموقنين. Notre propre corps, les étapes de notre création, c'est un signe. قال فجميع مخلوقات الله وجميع الحوادث التي يحدثها الله آية وبراهين على أنه واحد عظيم ورب كريم وملك جواد. نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تقدم معنا البيت الشعري كذلك beaucoup de preuves sur هذا. Et toutes les créatures, c'est un signe, c'est une preuve de l'existence du créateur. قال وكذلك إذا تأملت الشرع الكامل وأن أخباره كلها صدق وقد قامت البراهين على صدقها وأحكامها. نعم. وأحكامها. قال في الحاشية لعل المراد وأحكامه ليعود الضمير على الشرع. نعم الى معطوف على الشرع للشرع كي استوديبي اون ريبيت. وكذلك اذا تاملت الشرع. نعم تاملت الشرع. الشرع الى مفعول به سبق ساكن منصوب. ثم قال ان اخباره كلها صدق. هذا واضح. وقد قامت البراهين على صدقها واحكامه كلها. نعم الصواب ساحكامه كما قال في الحاشيه. واحكامه كلها عدل تأمر بالخير والصلاح وتنهى. قال وتنهى عن الشر والفساد وتجري أحكامها المحكمة وحقوقها العادلة مع الأزمان. هذا كذلك برهان عظيم. شرع الله سبحانه وتعالى la religion d'Allah سبحانه وتعالى qui l'a révélé, cette religion parfaite qui est adaptable à toutes les époques et tous les lieux, c'est que du bien pour l'être humain. Ça l'éloignera de tous les maux, tous les problèmes. قال مهما تطورت الأحوال واختلفت العوائد لا يختل صلاحها ولا ينتقد هداها. نعم. Notre religion, maintenant, l'islam, depuis l'époque de notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, jusqu'à aujourd'hui, c'est une religion parfaite, elle est adaptable et c'est un bien pour l'être humain. C'est certains êtres humains qui pensent qu'elle n'est pas adaptable. Et certains êtres humains qui n'arrivent pas à voir le bien de ce din, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas guidés. Les malades, les anahum, ils ne le méritent pas. Celui qui n'est pas guidé, c'est qu'il ne le mérite pas. Les anallah azza wa jal, il est juste. Mais celui qui réfléchit à hada din, cette religion, c'est que du bien. Hada, ça montre que celui qui l'a révélé, c'est ar-Rahim, c'est le miséricordieux, c'est le créateur, celui qui veut du bien pour les autres. Il est hakim, il est juste, azza wa jal. قال بل لا يكون هدي هدى سأقرب بل لا يكون هدى وصلاح. نعم بل لا يكون هدى وصلاح وخير إلا بها ولا تأتي بأمر تحيله العقول وتكذبه الحواس الصحيحة بل تشهد العقول الكاملة أن أحكامها أحسن الأحكام وأعدلها وأقومها وأهداها. هذا تقدم معنا dans les exemples. أن هذا الدين la raison qui n'a pas été altérée par le bid'a, par la mécréance, par les mauvaises idées, par les mauvaises pensées, elle accepte que ce din, il appelle qu'au bien. C'est que pour notre bien, c'est que pour repousser les maux et les choses néfastes. C'est pour ça que ahkam Allah subhanahu wa ta'ala adil. C'est pour ça que tu ne trouveras pas des ahkam aussi justes, aussi bien, aussi bons. Din Allah subhanahu wa ta'ala, c'est din al-haq. Mais ce que ils ont essayé d'inventer, les malades, ils n'ont pas été satisfaits par cette religion, al-kuffar, la démocratie, la laïcité, tous ces principes corrompus, les malades, c'est pour mieux vivre. Est-ce que ça leur a donné ce que l'islam a donné à la communauté abadan? Quoi qu'ils fassent, ils sont toujours obligés de faire des changements. Ils font une loi et ils pensent que c'est pour le bien des êtres humains. Quelque temps après, cette loi elle est contredite par beaucoup de choses. Ils l'annulent. Et ils font autre chose. Amma notre din, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et il sait ce que l'être humain il a besoin. Enfin, on n'a pas besoin d'autre chose. قال أليس هذا أكبر برهان على عظمة الله وقدرته وسعة علمه وشمول حكمته ورحمته وأنه المحمود في كل حال على خلقه للمخلوقات وعلى شرعه الشرائع. نعم هذا c'est un burhan عظيم qui montre qu'on doit être reconnaissant et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr croire en son existence qu'il est unique et l'adorer seul لماذا لأنه par rapport à toutes ces créatures. Toi-même, tu es créé, tout ce que Allah il a créé pour cet être humain. Wahakada, cette religion qu'il a révélée à son prophète, alayhi salatu salam. Ces deux choses, ça doit nous pousser à être reconnaissants. Ama celui qui ne croit pas, et qui persiste, et qui rejette tous ces signes, adalashak, il ne réussira pas. Et il ne se fait du mal qu'à lui-même. Matalan l'athée, ou le kafir qui persiste, et qui ne veut pas croire, et qui pense, annahu, vraiment, il a des principes, il a arrêté. Quand il mourra, tout s'effondrera. Tout s'effondrera et il regrettera. Et il regrettera comme on a détaillé dans nos doros sur l'au-delà. قال أحسن ما صنع وأحكم ما شرع ليس في ذلك عيب وعبث. نعم. تأمل في خلق الله عز وجل. أنه il n'y a pas de عيب, il n'y a pas de عبث. Tout a été créé avec sagesse. Et avec perfection. لماذا لأن celui qui a créé ces choses, c'est le parfait Azza wa Jal, le sage, subhanah. قال وليس فيها ما ينافي الحكمة بوجه من الوجوه. قال صنع الله الذي أتقن كل شيء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. فالله سبحانه وتعالى c'est lui qui a créé toute chose avec perfection. قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. تأمل قوله أتقن. أتقن c'est le fait de faire une chose avec maîtrise, parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala atqana kulla shay. Tout est à sa place. Il faut que méditer, ouvrir ses oreilles, ouvrir ses yeux et surtout ouvrir son cœur. Et là, celui qui ouvre son cœur et qui ne rejette pas la vérité, la vérité, elle est claire. Wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun. Hakadha hukmu Allah, ahkamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dignes. Son din, c'est un din parfait. Lakin kama qala liqawmin yuqinun. Mais celui qui veut chercher des contradictions, qui veut se rassurer, qui ferme les yeux, qui ferme son cœur, on le répète, il se fait du mal qu'à lui-même. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. On a fini hada al-fasl at-tayyib al-muhim. Et à partir de demain, inshallah ta'ala, on commencera un nouveau chapitre. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala الهداية للجميع ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.